rock, changer les habitudes de mes élèves. French kids. Comme si je m'étais sanctionné. Je ne fais que fumer, oui je ne fais que m'exhumer de ma sépulture mentale. Faut m'excuser si j'omets de le faire. On est dans le verbe spécialisé flamme de l'enfer, oui. Inconsciemment, on a tous l'esprit de croqueur. Mais inconsciemment, je ne côtoie que des gens au gros cœur qui découpent ça comme Jokwan Baman, Guru, Daouda, Ali ou Tom. Je sais que vous changerez de barman tôt ou tard. Des tonnes de détails à régler avant de tailler comme tondre le bétail. Brataille qui ne nous veulent pas dans le droit chemin, mais dans des tranches en branchement. Capuche, armo, ange, une hache sur une branche morte. Pas de flyboat, heureusement que le rap me transporte. Je pense aux darons chaque fois que j'écoute See You at the Crossroads. Même fatigué, mon cœur se requinque sur une grosse prod. Et je ne me transforme qu'en moi dans l'uniforme de Fox Trot. Ton essai d'arrêter de fréquenter les gars de cité. Dont on n'a même plus conscience. On se sent inchangeable malgré l'effort. On nous fait perdre confiance. Peut-être changer ton mode de vie et ne plus faire d'erreur. T'es un jeune tireur, drogué, alcoolisé, qui se prend pour une terreur. Tu peux pas changer tes habitudes, tes sales manies dures. Pédé lave ta figure, bébé v'là ma piqûre. Maintenant les ghosts baissent et prennent des grosses peines. Le visage masqué comme Ghostface, ça chante pas le gospel. Je côtoie que des chiennes, j'ai pas l'habitude de dire je t'aime. Spécialiste en friche, j'ai la sale malice, pas trop suivre le thème. Chaque jour le même rituel, dans ce bas monde virtuel. Fuis la vie réelle et on se tue dans des petites ruelles. Je compte pas rester un type cruel, c'est au pire qu'on s'attend constamment. Des pensées malsaines, des scènes tant qu'on t'en banque. Je ferai toujours des rimes, car y'a pour ça que je suis fortiche. Sordide, morbide, je devrais être plus sportif. Je fornique, je dors vite et s'envoie sur orbite. Splendide, vampire, qui est rarement hors. On fait des gestes chroniques dont on n'a même plus conscience. On se sent inchangeable malgré l'effort, on nous fait perdre confiance. Juste on essaie d'arrêter de fréquenter les gars de cité. De droguer, d'alcooliser et fuir de la réalité. On est trop gentil, ça va me perdre, certes, ça va me tête, tête. De nos jours, les cœurs purs sont wanted, mec. Fais péter le champagne, j'suis inchangeable. J'baise les gens d'un pétasse, on fait pas de chantage. À peine levé, tout ce qu'on veut c'est rouler, baiser. Nous repasser ce joli rêve de poulet braisé. Marre de rester dans des blocs sales ou dans des vieux projets. Gros, j'suis comme ça et j'cracherai toujours ce que mes yeux projettent. Attendre toute la journée, des los beaux comme Losco. Ça ennuie, mais ça rend ouf quand les yeux de manque crient au secours. Dur de corriger mes mauvaises manières dont j'suis pas fier. J'suis obligé de changer de carrière, tanière et de matière. French King. Fiston essaie d'arrêter de fréquenter les gars de cité. De droguer, d'alcooliser et fuir de la réalité. On fait des gestes chroniques dont on n'a même plus conscience. On se sent inchangeable malgré l'effort, on nous fait perdre confiance. De droguer, d'alcooliser et fuir de la réalité.